Nimbiguena voyage, Théodorina. Big Bati pense mon ayati avion. Zarati mo a salambi migi, so kwesenge ou pas d'embie keke. La Nimbiguena voyage, Théodorina. Big Bati pense mon ayati avion. Zarati mo a salambi migi, so kwesenge ou pas d'embie keke. Théodorina, Big Bati pense mon ayati avion. Zarati mo a salambi mingi, so kwesenge ou pas d'embie keke. La Nimbiguena voyage, Théodorina, Big Bati pense mon ayati avion. Zarati mo a salambi mingi, so kwesenge ou pas d'embie keke.